Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, troisième partie, édition Furne et compagnie, 1865. Bethléem. Le père gardien envoya chercher un Turc, appelé Ali Aga, pour me conduire à Bethléem. Cet Ali Aga était fils d'un Aga de Rama, qui avait eu la tête tranchée sous la tyrannie de Djezar. Ali était né à Jéricho, aujourd'hui Ria, et il se disait gouverneur de ce village. C'était un homme de tête et de courage, dont j'eus beaucoup à me louer. Il commença d'abord par nous faire quitter, à moi et à mes domestiques, le vêtement arabe pour reprendre l'habit français. Cet habit, naguère si méprisé des Orientaux, inspire aujourd'hui le respect et la crainte. La valeur française est rentrée en possession de la renommée qu'elle avait autrefois dans ce pays. Ce furent des chevaliers de France qui rétablirent le royaume de Jérusalem comme ce sont des soldats de France qui ont cueilli les dernières palmes de l'Idumée. Les Turcs vous montrent à la fois et la tour de Baudouin et le camp de l'empereur. On voit au calvaire l'épée de Godefroy de Bouillon, qui, dans son vieux fourreau, semble encore garder le Saint-Sépulcre. On nous amena à 5 heures du soir 3 bons chevaux. Michel, droguement du couvent, se joignit à nous. Ali se mit à notre tête, et nous partîmes pour Bethléem, où nous devions coucher et prendre une escorte de 6 arabes. J'avais lu que le gardien de Saint-Sauveur est le seul franc qui ait le privilège de monter à cheval à Jérusalem, et j'étais un peu surpris de galoper sur une jument arabe. Mais j'ai su depuis que tout voyageur en peut faire autant pour son argent. Nous sortîmes de Jérusalem par la porte de Damas, puis, tournant à gauche et traversant les ravins au pied du mont Sion, nous gravîmes une montagne sur le plateau de laquelle nous cheminâmes pendant 1 heure. Nous laissions Jérusalem au nord derrière nous, nous avions au couchant les montagnes de Judée, et au levant, par-delà la mer morte, les montagnes d'Arabie. Nous passâmes le couvent de Saint-Élie. On ne manque pas de faire remarquer, sous un olivier sur un rocher au bord du chemin, l'endroit où ce prophète se reposait lorsqu'il allait à Jérusalem. À une lieue plus loin, nous entrâmes dans le champ de Rama, où l'on trouve le tombeau de Rachel. C'est un édifice carré, surmonté d'un petit dôme. Il jouit des privilèges d'une mosquée, les Turcs, ainsi que les Arabes, honorent les familles des patriarches. Les traditions des chrétiens s'accordent à placer le sépulcre de Rachel dans ce lieu. La critique historique est favorable à cette opinion. Mais, malgré Thévenot, Monconi, Roger et tant d'autres, je ne puis reconnaître un monument antique dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau de Rachel. C'est évidemment une fabrique turque consacrée à un santon. Nous aperçûmes dans la montagne, car la nuit était venue, les lumières du village de Rama. Le silence était profond autour de nous. Ce fut sans doute dans une pareille nuit que l'on entendit tout à coup la voix de Rachel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Jérémie 31:15. Ici la mère d'Astyanax et celle de Rial sont vaincues, Homère et Virgile cèdent la palme de la douleur à Jérémie. Nous arrivâmes par un chemin étroit et scabreux à Bethléem. Nous frappâmes à la porte du couvent. L'alarme se mit parmi les religieux, parce que notre visite était inattendue, et que le turban d'Ali inspira d'abord l'épouvante. Mais tout fut bientôt expliqué. Bethléem reçut son nom d'Abraham, et Bethléem signifie la maison de pain. Elle fut surnommée Ephrata, fructueuse, Du nom de la femme de Caleb, pour la distinguer d'une autre Bethléem de la tribu de Zabulon. Elle appartenait à la tribu de Juda, elle porta aussi le nom de cité de David, elle était la patrie de ce monarque, et il y garda les troupeaux dans son enfance. Abissan, septième juge d'Israël, Elimelech, Obed, Jessé et Boznakir comme David à Bethléem, et c'est là qu'il faut placer l'admirable églogue de Ruth. Saint Matthias, apôtre, eut aussi le bonheur de recevoir le jour dans la cité où le Messie vint au monde. Les premiers fidèles avaient élevé un oratoire sur la crèche du Sauveur. Adrien le fit renverser pour y placer une statue d'Adonis. Sainte Hélène détruisit l'idole, et bâtit au même lieu une église dont l'architecture se mêle aujourd'hui aux différentes parties ajoutées par les princes chrétiens. Tout le monde sait que Saint Jérôme se retira à Bethléem. Bethléem, conquise par les croisés, retomba avec Jérusalem sous le joug infidèle, mais elle a toujours été l'objet de la vénération des pèlerins. De saints religieux, se dévouant à un martyr perpétuel, l'ont gardé pendant 7 siècles. Quant à la Bethléem moderne, à son sol, à ses productions, à ses habitants, on peut consulter Monsieur de Volnay. Je n'ai pourtant point remarqué dans la vallée de Bethléem la fécondité qu'on lui attribue. Il est vrai que, sous le gouvernement turc, le terrain le plus fertile devient désert en peu d'années. Le 5 octobre, à 4 heures du matin, je commençais la revue des monuments de Bethléem. Quoique ces monuments aient été souvent décrits, le sujet par lui-même est si intéressant, que je ne puis me dispenser d'entrer dans quelques détails. Le couvent de Bethléem tient l'église par une cour fermée de hautes murailles. Nous traversâmes cette cour, et une petite porte latérale nous donne un passage dans l'église. Cette église est certainement d'une haute antiquité, et, quoique souvent détruite et souvent réparée, elle conserve les marques de son origine grecque. Sa forme est celle d'une croix. La longue nef, ou si l'on veut le pied de la croix, est ornée de 48 colonnes d'ordre corinthien, placées sur 4 lignes. Ces colonnes ont 2 pieds 6 pouces de diamètre près la base, et 18 pieds de hauteur, y compris la base et le chapiteau. Comme la voûte de cette nef manque, les colonnes ne portent rien qu'une frise de bois qui remplace l'architrave et tient lieu de l'entablement entier. Une charpente à jour prend sa naissance au haut des murs et s'élève en dôme pour porter un toit qui n'existe plus, ou qui n'a jamais été achevé. On dit que cette charpente est de bois de cèdre, mais c'est une erreur. Les murs sont percés de grandes fenêtres. Ils étaient ornés autrefois de tableaux en mosaïque et de passages de l'Évangile, écrits en caractères grecs et latins. On en voit encore des traces. La plupart de ces inscriptions sont rapportées par Carasmius. L'abbé Mariti relève avec aigreur une méprise de ce savant religieux, touchant une date. Un très habile homme peut se tromper. Mais celui qui en avertit le public sans égard et sans politesse prouve moins sa science que sa vanité. Les restes des mosaïques que l'on aperçoit çà et là, et quelques tableaux peints sur bois, sont intéressants pour l'histoire de l'art. Ils présentent en général des figures de face, droite, roide, sans mouvement et sans ombre. Mais l'effet en est majestueux, et le caractère noble et sévère. Je n'ai pu, en examinant ces peintures, m'empêcher de penser au respectable monsieur d'Agincourt, qui fait à Rome l'histoire des arts du dessin dans le Moyen-Âge, et qui trouverait à Bethléem de grands secours. Note. Nous jouissons enfin des premières livraisons de cet excellent ouvrage, Fruit d'un travail de 30 années et des recherches les plus curieuses. Fin de la note. La secte chrétienne des Arméniens est en possession de la nef que je viens de décrire. Cette nef est séparée des 3 autres branches de la croix par un mur, de sorte que l'église n'a plus d'unité. Quand vous avez passé ce mur, vous vous trouvez en face du sanctuaire ou du cœur, qui occupe le haut de la croix. Ce cœur est élevé de 3 degrés au-dessus de la nef. On y voit un autel dédié aux mages. Sur le pavé, au bas de cet autel, on remarque une étoile de marbre. La tradition veut que cette étoile corresponde au point du ciel où s'arrêta l'étoile miraculeuse qui conduisit les 3 rois. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'endroit où naquit le Sauveur du monde se trouve perpendiculairement au-dessous de cette étoile de marbre, dans l'église souterraine de la crèche. Je parlerai de celle-ci dans un moment. Les Grecs occupent le sanctuaire des mages, ainsi que les 2 autres nefs formées par les 2 extrémités de la traverse de la croix. Ces 2 dernières nefs sont vides et sans autel. 2 escaliers tournants, composés chacun de 15 degrés, s'ouvrent aux 2 côtés du cœur de l'église extérieure, et descendent à l'église souterraine, placée sous ce cœur. Celle-ci est le lieu à jamais révéré de la nativité du Sauveur. Avant d'y entrer, le supérieur me mit un cierge à la main et me fit une courte exhortation. Cette sainte grotte est irrégulière, parce qu'elle occupe l'emplacement irrégulier de l'étable et de la crèche. Elle a 37 pieds et demi de long, 10 mètres 82, 11 pieds 3 pouces de large, 3 mètres 42, et 9 pieds de haut, 2 mètres 74. Elle est taillée dans le roc. Les parois de ce roc sont revêtues de marbre, et le pavé de la grotte est également d'un marbre précieux. 16 embellissements sont attribués à Sainte Hélène. L'église ne tire aucun jour du dehors, et n'est éclairée que par la lumière de 32 lampes envoyées par différents princes chrétiens. Tout au fond de la grotte, du côté de l'Orient, est la place où la Vierge enfanta le Rédempteur des hommes. Cette place est marquée par un marbre blanc incrusté de jaspe et entouré d'un cercle d'argent, radié en forme de soleil. On lit ces mots alentour. Ici de la Vierge Marie Jésus-Christ est né. Une table de marbre, qui sert d'autel, est appuyée contre le rocher, et s'élève au-dessus de l'endroit où le Messie vint à la lumière. Cet autel est éclairé par 3 lampes, dont la plus belle a été donnée par Louis XIII. À cet pas de là, vers le midi, après avoir passé l'entrée d'un des escaliers qui monte à l'église supérieure, vous trouvez la crèche. On y descend par 2 degrés, car elle n'est pas de niveau avec le reste de la grotte. C'est une voûte peu élevée, enfoncée dans le rocher. Un bloc de marbre blanc, exhaussé d'un pied au-dessus du sol, et creusé en forme de berceau, indique l'endroit même où le souverain du ciel fut couché sur la paille. Joseph partit aussi de la ville de Nazareth qui est en Galilée, et vint en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui était grosse. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, il arriva que le temps auquel elle devait accoucher s'accomplit, et elle enfanta son fils premier-né, et l'ayant emmailloté elle le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie, Saint Luc. À 2 pas, vis-à-vis la crèche, est un autel qui occupe la place où Marie était assise lorsqu'elle présenta l'enfant des douleurs aux adorations des mages. Jésus étant donc né dans Bethléem, ville de la tribu de Juda, du temps du roi Hérode, des mages vinrent de l'Orient en Jérusalem, Et ils demandèrent, Où est le roi des Juifs qui est nouvellement né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Et en même temps l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était l'enfant, elle s'y arrêta. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent tous transportés de joie, et entrant dans la maison ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant en terre ils l'adorèrent, puis ouvrant leur trésor ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Saint Matthieu. Rien n'est plus agréable et plus dévot que cette église souterraine. Elle est enrichie de tableaux des écoles italiennes et espagnoles. Ces tableaux représentent les mystères de ces lieux, des vierges et des enfants d'après Raphaël, des annonciations, l'adoration des mages, la venue des pasteurs, et tous ces miracles mêlés de grandeur et d'innocence. Les ornements ordinaires de la crèche sont de satin bleu brodé en argent. L'encens fume sans cesse devant le berceau du Sauveur. J'ai entendu un orgue, fort bien touché, jouer à la messe les airs les plus doux et les plus tendres des meilleurs compositeurs d'Italie. Ces concerts charment l'arabe chrétien qui, laissant paître ses chameaux, vient, comme les antiques bergers de Bethléem, adorer le roi des rois dans sa crèche. J'ai vu cet habitant du désert communier à l'autel des mages avec une ferveur, une piété, une religion, inconnue des chrétiens de l'Occident. Nul endroit dans l'univers, dit le père Néret, n'inspire plus de dévotion. Labeur continuel des caravanes de toutes les nations chrétiennes. Les prières publiques, les prosternations. La richesse même des présents que les princes chrétiens y ont envoyés. Tout cela excite en votre âme des choses qui se font sentir beaucoup mieux qu'on ne peut les exprimer. Ajoutons qu'un contraste extraordinaire rend encore ces choses plus frappantes. Car en sortant de la grotte où vous avez retrouvé la richesse, les arts, la religion des peuples civilisés, vous êtes transporté dans une solitude profonde, au milieu des masures arabes, parmi des sauvages demi-nus et des musulmans sans foi. Ces lieux sont pourtant ceux-là mêmes où s'opérèrent tant de merveilles, mais cette terre sainte n'ose plus faire éclater au dehors son allégresse, et les souvenirs de sa gloire sont renfermés dans son sein. Nous descendîmes de la grotte de la Nativité dans la chapelle souterraine où la tradition place la sépulture des innocents. Hérode envoya tuer à Bethléem et en tout le pays d'alentour tous les enfants âgés de 2 ans et au-dessous. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Vox in rama audita est. La chapelle des innocents nous conduisit à la grotte de Saint Jérôme. On y voit le sépulcre de ce docteur de l'Église, celui de Saint Eusèbe, et les tombeaux de Saint Paul et de Saint Eustochie. Saint Jérôme passa la plus grande partie de sa vie dans cette grotte. C'est de là qu'il vit la chute de l'Empire romain. Ce fut là qu'il reçut ces patriciens fugitifs qui, après avoir possédé les palais de la terre, s'estimèrent heureux de partager la cellule d'un cénobite. La paix du saint et les troubles du monde font un merveilleux effet, dans les lettres du savant interprète de l'Écriture. Saint Paul et Saint Eustochie, sa fille, étaient deux grandes dames romaines de la famille des Gracques et des Scipions. Elles quittèrent les délices de Rome pour venir vivre et mourir à Bethléem dans la pratique des vertus monastiques. Leur épitaphe, faite par Saint Jérôme, n'est pas assez bonne et est trop connue pour que je la rapporte ici. On voit dans l'oratoire de Saint Jérôme un tableau où ce saint conserve l'air de tête qu'il a pris sous le pinceau du Carrache et du Dominicain. Un autre tableau offre les images de Paul et d'Eustochie, Ces deux héritières de Scipion sont représentées mortes et couchées dans le même cercueil. Par une idée touchante, le peintre a donné aux deux saintes une ressemblance parfaite. On distingue seulement la fille de la mère à sa jeunesse et à son voile blanc. L'une a marché plus longtemps et l'autre plus vite dans la vie. Et elles sont arrivées au port au même moment. Dans les nombreux tableaux que l'on voit au lieu saint, et qu'aucun voyageur n'a décrit, j'ai cru quelquefois reconnaître la touche mystique et le ton inspiré de Murillo. Il serait assez singulier qu'un grand maître eût à la crèche, ou au tombeau du Sauveur quelques chefs-d'œuvre inconnus. Note. Villamont avait été frappé de la beauté d'un saint Jérôme. Nous remontâmes au couvent. J'examinai la campagne du haut d'une terrasse. Bethléem est bâtie sur un monticule qui domine une longue vallée. Cette vallée s'étend de l'est à l'ouest. La colline du Midi est couverte d'oliviers clairs semés sur un terrain rougeâtre, hérissé de cailloux. La colline du nord porte des figuiers sur un sol semblable à celui de l'autre colline. On découvre çà et là quelques ruines, entre autres les débris d'une tour qu'on appelle la tour de Sainte-Paul. Je rentrai dans le monastère qui doit une partie de sa richesse à Baudouin, roi de Jérusalem et successeur de Godefroy de Bouillon. C'est une véritable forteresse, et ses murs sont si épais qu'ils soutiendraient aisément un siège contre les Turcs. L'escorte arabe étant arrivée, je me préparais à partir pour la mer morte. En déjeunant avec les religieux qui formaient un cercle autour de moi, ils m'apprirent qu'il y avait au couvent un père, français de nation. On l'envoya chercher. Il vint les yeux baissés, les deux mains dans ses manches, marchant d'un air sérieux. Il me donna un salut froid et court. Je n'ai jamais entendu chez l'étranger le son d'une voix française sans être ému. Après un si long temps, oh que cette parole à mon oreille est chère. Je fis quelques questions à ce religieux. Il me dit qu'il s'appelait le père Clément, qu'il était des environs de Mayenne, que, se trouvant dans un monastère en Bretagne, il avait été déporté en Espagne avec une centaine de prêtres comme lui. Qu'ayant reçu l'hospitalité dans un couvent de son ordre, ses supérieurs l'avaient ensuite envoyé missionnaire en Terre Sainte. Je lui demandai s'il n'avait point envie de revoir sa patrie, et s'il voulait écrire à sa famille. Voici sa réponse mot pour mot. Qui est-ce qui se souvient encore de moi en France? Sais-je si j'ai encore des frères et des sœurs? J'espère obtenir par le mérite de la crèche du Sauveur la force de mourir ici, sans importuner personne, et sans songer à un pays où je suis oublié. Le père Clément fut obligé de se retirer. Ma présence avait réveillé dans son cœur des sentiments qu'il cherchait à éteindre. Telles sont les destinées humaines. Un Français gémit aujourd'hui sur la perte de son pays au même bord dont les souvenirs inspirèrent autrefois le plus beau des cantiques sur l'amour de la patrie. Superflumina Babylonie, etc. Mais ces fils d'Aaron qui suspendirent leur harpe au sol de Babylone ne rentrèrent pas tous dans la cité de David. Ces filles de Judée qui s'écriaient sur les bords de l'Euphrate, aux rives du Jourdain. Aux champs aimés des cieux, etc. Ses compagnes d'Esther ne revirent pas toutes Emmaüs et Bethel. Plusieurs laissèrent leurs dépouilles au champ de la captivité. À 10 heures du matin nous montâmes à cheval, et nous sortîmes de Bethléem. Sisara Bethléem mit à pied, armée de poignards et de longs fusils à mèche, formait notre escorte. Il marchait 3 en avant et 3 en arrière de nos chevaux. Nous avions ajouté à notre cavalerie un âne qui portait l'eau et les provisions. Nous prîmes la route du monastère de Saint-Saba, D'où nous devions ensuite descendre à la mer morte et revenir par le Jourdain. Nous suivîmes d'abord le vallon de Bethléem, qui s'étend au levant, comme je l'ai dit. Nous passâmes une groupe de montagnes où l'on voit sur la droite une vigne nouvellement plantée, chose assez rare dans le pays pour que je l'aie remarquée. Nous arrivâmes à une grotte appelée la grotte des pasteurs. Les Arabes l'appellent encore Ta el Natour, le village des bergers. On prétend qu'Abraham faisait paître ses troupeaux dans ce lieu, et que les bergers de Judée furent avertis dans ce même lieu de la naissance du Sauveur. Or, il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et tout d'un coup un ange du Seigneur se présenta à eux et une lumière divine les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. » Au même instant il se joignit à l'ange une grande troupe de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, chéris de Dieu. » La piété des fidèles a transformé cette grotte en une chapelle. Elle devait être autrefois très ornée. J'y ai remarqué trois chapiteaux d'ordre corinthien, et deux autres d'ordre ionique. La découverte de ces derniers était une véritable merveille, car on ne trouve plus guère après le siècle d'Hélène que l'éternel corinthien. Markemdanarchive.org, le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale, les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.